Mireille Kanyang. Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les principales articulations. Les agriculteurs sont appelés à privilégier les cultures à cycle court durant cette saison culturelle C et à payer le solde des fertilisants à partir de jeudi 11 juillet. Des enseignements sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents sont visés par la caravane de l'Union européenne au Burundi au deuxième jour en province Mwaro. Dans cette édition, des politiques vont réagir aux propos du ministère en charge de l'énergie, expliquant la pénurie de carburant par l'augmentation du parc automobile. Dans cette édition, on parlera également du début ce mardi, de la passation de l'examen d'État sur tout le territoire national et en centre au Kenya où plus de 50 000 élèves ont passé cet examen. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par François Akiman. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore une fois, page sécurité pour débuter cette édition. Une personne portée disparue et 15 personnes en état critique. Tel est le bilan d'une déviation d'une rivière qui s'est jetée dans une fosse d'orpaillage sur la colline Gafumbegeti, en zone Outarana de la commune Mabaye en province Chivito. Que cet incident s'est déroulé à 3h du matin de ce lundi à mardi. Les rescapés ont été retrouvés à 14h de ce mardi. Le secrétaire permanent de la commune Mabaye indique que ces personnes sont celles qui extraient illicitement de l'or. Des gens contactés à Mabaye demandent aux autorités politiques, aux sécuritaires de tout faire afin que le travail d'extraction de l'or se fasse pendant la journée. Parlons éducation à présent. Début ce mardi de la passation de l'examen d'État à travers tout le pays, dans quelques centres de la mairie de Bujumbura, où la radio-télévision Isanganiro est passée le matin de ce mardi. Les présidents des centres ont refusé de livrer des informations aux journalistes selon l'ordre reçu que seules les radios nationales Inderagakura ont le droit d'accéder à ces centres. Nos reporters se sont rendus au lycée du lac Tanganyika, le lycée Skepros de Nyakabiga et le lycée Notre-Dame de Rohiro. Cette directive émanerait des autorités hiérarchiques au niveau du ministère de l'Éducation. Nous avons par la suite pu avoir la réaction du ministre de l'Éducation, François Akimana, François Habyarimana, qui a indiqué que plus de 51 000 élèves ont passé ce mardi cet examen d'état de non-accès à l'enseignement universitaire et dans 107 centres à l'intérieur du pays et en centre au Kenya. Le lancement officiel de cet examen a eu lieu dans trois établissements, à savoir le lycée de Muramvya, le lycée Kibimba et le lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega. Le ministre François Habyarimana a précisé qu'en général, l'examen s'est bien déroulé et a demandé aux élèves de travailler sans peur et en évitant des tricheries. On l'écoute dans ses leçons, nous les devons à la radio scolaire de la Gakura. Partout où nous sommes passés, en tout cas, nous n'avons enregistré aucun incident majeur qui puisse perturber le bon déroulement de l'examen d'État. Et donc, de manière générale, tout se passe très bien partout où nous sommes passés. Avec les nouveaux outils de communication, nous nous informons aussi de la situation qui prévaut dans toutes les provinces de notre pays. Il n'y a vraiment pas aucun incident majeur qui aurait perturbé le déroulement de l'examen d'État. Et seulement, je voudrais vous dire qu'il y a certains élèves qui n'ont pas pu être certifiés ou diplômés et qui sont venus au cabinet hier pour introduire leur recours. Comme il n'y avait pas encore de temps pour faire les vérifications nécessaires, nous avons donné l'autorisation qu'ils passent l'examen d'État et que les autres vérifications pourront avoir lieu après l'examen d'État. Mais nous leur avons dit que la note qu'ils vont obtenir à l'examen d'État sera validée ou invalidée en fonction du résultat de ces vérifications. Et d'autres élèves qui ont demandé de passer l'examen d'État alors qu'il n'était pas prévu, c'est des rapatriés qui nous ont demandé hier de passer l'examen d'État. Comme on n'avait pas encore terminé aussi la vérification de leur dossier, on a autorisé qu'ils passent l'examen d'État. Mais là aussi, leur note sera validée ou invalidée en fonction du résultat de ces vérifications. Et je dois donc vous informer qu'au total, 51 296 candidats étaient attendus à travers 107 centres de passation, dont un centre de passation se trouve au Kenya, à Nairobi. C'est un centre qui héberge des élèves qui suivent aussi le programme burundais. François Habyarimana, ministre burundais de l'Éducation. Parlons agriculture à présent. Le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage invite les agriculteurs à payer le solde des fertilisants à partir de jeudi 11 juillet. Dans un point de presse sur la distribution des fertilisants tenu ce lundi, Prosper Dodiko, à la tête de ce ministère, a indiqué que les prix des fertilisants n'ont pas été revus à la hausse. Il a en outre invité les agriculteurs à privilégier les cultures à cycle végétal court durant cette saison culturelle. C'est, on l'écoute. Le paiement du solde pour les Anglais et la Dormie de la saison 2024-2025 commence ce jeudi le 11 juillet 2024 et se clôture samedi le 10 août 2024. Cette période va coïncider avec la période de distribution des fertilisants et Dormie dans les lieux habituels. Les prix des fertilisants et Dormie de la saison passée restent inchangés parce que le gouvernement a décidé de prendre en charge tous les frais additionnels. Ainsi, les prix subventionnés et les prix du marché sont repris dans le tableau suivant. Pour Fumi Imbura, le prix du marché d'un sac de 25 kg est de 75 216, mais les agriculteurs vont payer seulement 31 000. Et le gouvernement du Burundi va supporter les 44 216. Pour un sac d'eau irée de 25 kg, le sac qui devrait coûter 73 755 francs, les agri-éleveurs vont payer seulement 33 000 et l'État va supporter les 40 755 francs par sac. Pour Fomi Bagara, un sac de 25 kg qui devrait coûter 67 545 francs, les agri-éleveurs vont payer seulement 28 000 et l'État du Burundi va supporter les 39 545 francs. Pour un sac de Dormie qui devrait coûter 19 000, les agri-éleveurs vont payer seulement 5 000 et l'État du Burundi va supporter les 14 000 par sac. Pour les agriculteurs qui ont déjà semé avant la réception des fertilisants, nous tenons à rappeler qu'il est possible d'appliquer les fertilisants autour des plants et le rôle des éléments nutritifs reste valable. Le ministère demande aux agri-éleveurs de doubler d'efforts en diversifiant les cultures, surtout en privilégiant les cultures à cycle court, notamment les cultures maraîchères. Concernant la deuxième campagne de collecte des grains de maïs, il indique qu'elle se clôturera le 13 juillet, que le remboursement commencera dès lundi 15 juillet. Pour le ministre Prosper Dodiko, les quantités déjà collectées atteignent 32 000 tonnes. Et le gouvernement du Burundi est appelé à renforcer sa capacité institutionnelle et mettre dans ses organes des gens compétents. Une réaction du directeur national de la Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM après la visite d'une délégation de la Banque mondiale. Faustin Dikoumana trouve que l'urgence est d'améliorer l'image du pays puisque la Banque mondiale reste disponible même pour des appuis budgétaires. On l'écoute. La Banque mondiale donc accepte donc la disponibilité des fonds, y compris mais les appuis budgétaires qui aident à renflouer surtout les caisses de l'État, notamment en devises, surtout dans cette période de pénurie de devises. Donc les leçons à tirer aussi devraient servir, parce que pour qu'il y ait la gestion axée sur des résultats, il faut aussi partir des résultats du passé. La Banque mondiale a ses principes d'évaluation des institutions et cote la capacité d'un pays de gestion des fonds lui accordés. Dans le cadre de ces pays, notamment voir si les institutions sont efficaces au niveau de gouvernance. Je pense que le gouvernement devait faire un effort pour que, au niveau de la capacité institutionnelle, la lutte contre la corruption, le renforcement de la bonne gouvernance de l'administration, le leadership à tous les échelons de l'administration, les compétences, l'expertise nécessaire pour la gestion des réformes, la coordination, la gestion des projets, soit là, la participation citoyenne pour que le contrôle de l'action public soit une réalité à travers l'action dynamique de la société civile. Et la Banque mondiale devrait contribuer à l'assainissement de l'environnement macroéconomique actuellement et aussi l'environnement des affaires pour pouvoir des secteurs privés. Dans la vision, il y a un pilier très important, l'engagement de l'État, où le gouvernement justement s'engage à renforcer les principes de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, et que le Burundi puisse aussi, après des années, bénéficier d'efforts substantiels au lieu d'être toujours éligible à des petits guichets de dons. Parce que le Burundi a besoin de tant d'infrastructures qui devaient servir la base de son développement. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 18h11 dans les studios de la radio Isanganiro. Poursuivons cette édition. Je vous avais parlé de la caravane Union européenne au Burundi. Eh bien, des enseignements sur la santé sexuelle permettent aux jeunes de protéger leur avenir. Ça a été dit ce mardi, au deuxième jour de la caravane organisée par l'équipe Europe en commune Lusaka de la province de Moaro sur le thème de la santé sexuelle et de la reproduction par l'ambassadrice de la délégation de l'Union européenne au Burundi, Elisabeth Pietrobonne, qui a indiqué que l'équipe Europe appuie le volet santé sexuelle de la reproduction des adolescents et des jeunes pour assurer l'égalité des chances. Des jeunes bénéficiaires de ces sensibilisations affirment aujourd'hui être éveillés en matière de santé sexuelle. Les détails avec Ornella Mucho. À la deuxième journée de la caravane organisée par l'Union européenne en commune Lusaka, dans la province Mwaro, des enseignements en matière de la santé sexuelle et de la reproduction à travers des sketchs ont été donnés. L'ambassadrice de l'Union européenne au Burundi, Elisabeth Pietrobonne, rappelle que l'éducation et l'information sont les clés pour assurer une éducation adéquate en cette matière, tout en soulignant que l'Union européenne s'est engagée depuis longtemps, d'où la formation de plus de 1700 pères éducateurs scolarisés et non scolarisés. La santé sexuelle et reproductive est cruciale pour leur santé, leur bien-être et l'égalité sociale. Elle joue un rôle fondamental dans la réduction des inégalités. Le Burundi et l'Union européenne partagent ces valeurs. Nous voulons offrir à chaque jeune l'opportunité qu'il mérite, en faisant face aux défis des grossesses précoces et en assurant une éducation adéquate en matière de santé sexuelle et reproductive. L'éducation et l'information sont les clés pour atteindre cet objectif. Et c'est dans ce sens-là que nos programmes travaillent avec nos partenaires. L'Union européenne est engagée depuis longtemps sur ces sujets. Et je voudrais mentionner dans ce contexte notre programme Résilience. Dans ce programme que nous avons financé, nous avons donc déjà établi 76 centres de santé amis de jeunes et nous avons formé plus de 1700 éducateurs et plus de 1000 prestataires de soins. Voilà, pour éduquer et soigner selon les directives nationales de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Des jeunes formés par l'Alliance burundaise pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive, ABES en sigle, financée par l'Union européenne, affirment avoir des connaissances nécessaires pour faire des choix responsables en matière de sexualité. J'ai été sensibilisée par rapport à la prévention des maladies sexuellement transmissibles, ou bien pour les grossesses non désirées. Les avantages que j'ai sont nombreux en rapport avec la santé sexuelle et reproductive. Par exemple, comment on peut se protéger les maladies sexuellement transmissibles, comment on peut aider une fille qui a une grossesse non désirée, comment aussi on peut aider une personne vivant avec VIH-SIDA. Tout comme la représentante de l'ambassade des Pays-Bas au Burundi, l'ambassadrice Pietrobonne insiste qu'à l'absence d'informations fiables sur la santé sexuelle et reproductive, les jeunes sont confrontés aux idées fausses. En page politique, le parti APD a qualifié d'échappatoire à la réponse du ministre en charge de l'énergie évoquant l'excès des véhicules parmi les raisons du manque du carburant qui s'observe au Burundi. Il a déclaré au cours de la récente émission publique tenue à Makamba, Gabriel Ubanza Witonde, président de cette formation politique, dit ne pas comprendre ses propos. Il se dit lésé du fait qu'il n'y a aucune voie de sortie envisagée pour trouver solution à son manque et appelle le gouvernement à tout faire pour faciliter les Burundais à s'approvisionner dans les pays limitrophes. Les véhicules entrent en paient les taxes de douanement. Les véhicules achètent le carburant. Les véhicules paient les devances routières. Vous savez, au Burundi, quand même, vous commencez à changer la situation de vie. Vous achetez peut-être un vélo, une moto, une voiture. Et après, même dans d'autres pays, qui achètent les avions. Mais aux autres, il faut oublier qu'il y a la vision des pays émergents 2040 et pays développés 2060. Alors, si on parle en pays développé, pays émergents, ça veut dire qu'on change la vie de la population. On change la manière de vie, on change la manière de se déplacer. Mais la triste réalité, c'est que même celui qui a dit ça, il était à Makamba, à bord d'un véhicule, il n'a pas marché à pied. Si peut-être il marchait à pied, il comptait les heures ou bien les jours qu'il devrait prendre pour arriver à Makamba. Jusqu'à maintenant, on n'a pas une notification qui est prohibée d'acheter un véhicule ou bien de faire entrer un nouveau véhicule au Burundi. Pour partir à PD, nous prenons ça comme distraire la population, mais aussi nous prenons ça comme une autorité qui n'a pas de réponse à une question de varouille. Sinon, c'est le même ministre qui a autorisé la concession des stations un peu partout au Burundi. Il ne devrait pas permettre d'investir dans les stations sans toutefois connaître quels véhicules qui vont s'approvisionner. Il devrait plutôt conseiller les propriétaires des stations d'investir dans d'autres domaines. Le Burundi s'approvisionner dans l'autre ville voisine de Bujumbura, c'est à Uvira. Mais la décision est sortie que désormais, Uvira ne va plus servir les Burundais. Qu'en pensez-vous? C'est une mesure salutable. C'est le Congo qui a refusé de transporter les carburants dans des bidons, dans des kings. Même si au Burundi, c'est prohibé d'embarquer le carburant dans des bidons. C'est l'atteinte à la sécurité de l'économie nationale. Dans ce cas, il faut faciliter la libre circulation. En tant que le Congo membre de l'EAC, il faut laisser la libre circulation au niveau des frontières, ouvrir les frontières 24h sur 24h pour permettre que la population burundaise arrive jusqu'au niveau des stations, s'approvisionne au niveau des pompes. Et pour le parti RANAC, il trouve que le manque de carburant ne peut en aucun cas être expliqué par ce grand nombre de véhicules dans le pays. Aloïse Balichako, président de cette formation politique, trouve plutôt que un grand nombre de véhicules dans le pays montre que ce dernier est en développement. Dans l'urgence, le parti RANAC propose au gouvernement d'approcher les amis afin de demander des crédits et d'augmenter la quantité de litres de carburant commandés et trouver une solution à ce problème. Suivez. Au niveau de RANAC, nous pensons que les réseaux sont ailleurs. Parce que quand le nombre de véhicules augmente, ça montre que justement, il y a un développement qui s'annonce, le développement dont on cherche, dont le président de République parle, ne cesse de parler tous les jours. Donc c'est un signe de développement quand on peut avoir un moyen de déplacement propre à soi. S'il y a beaucoup de véhicules, le gouvernement plutôt devait prendre des mesures consécutivement à cette augmentation et augmenter le nombre de litres qui étaient importés pour que les véhicules puissent s'approvisionner en carburant sans difficulté. Alors, il ne cesse jamais de le dire, les réseaux sont ailleurs, c'est lié au manque de devises. Ça se comprend parce qu'aujourd'hui, le Burundi exporte moins qu'il importe. Comme on sensibilise la population à produire, on va produire, mais pour que la production que nous allons exporter à l'extérieur puisse rentrer de devises, ça va prendre du temps. Maintenant, il faut prendre des mesures urgentes, peut-être chercher dans les relations bilatérales entre les pays ou chercher au niveau des fournisseurs du carburant quelqu'un qui peut nous avancer un crédit pour le moment. Parce que le pays, il est là. Le pays restera là. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça va marcher un jour. Il suffit que nous commencions à produire des biens exportables. Il faut chercher plutôt, dans le plus bref délai, un ami, un pays frère qui peut nous accorder un crédit au niveau du carburant pour que ce climat puisse changer. Pour clore cette édition, grogne de certains habitants des quartiers de Changuzo suite aux travaux de pavage des routes ayant débuté au mois de janvier et qui se sont arrêtés avec la fin de la saison pluvieuse. Au niveau de l'agence routière du Burundi qui conduit ces travaux, l'on indique que la pénurie de carburant est à l'origine de l'arrêt de ces travaux et promet la reprise depuis mardi prochain. Une information que nous devons à notre correspondant en province Changuzo, Raymond Moudende. Et c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes. Au revoir.